Avec cette comédie musicale, le compositeur allemand va connaître son plus grand succès populaire, un mélange de farce écrite par l'un des auteurs des Marx Brothers, un mélange d'opérette, de jazz et de musique à la Broadway qui, pour la première fois, a été enregistré dans son intégralité et que nous allons y découvrir ce matin dans de nouveaux enregistrements sur la 42e rue, le brunch de France Musique au goût de comédie musicale. Et puisque l'été est arrivé, eh bien, fêtons-le. Greatness, who knows what stands in front of our et tous en t-shirt. Let the sunshine in, extrait du film de Miloš Forman de 1979, Hair, inspiré de la comédie musicale de 1967. On parle beaucoup de Julie Fuchs actuellement. Les journaux ne tarissent pas d'éloges sur le nouveau CD de la soprano qui a eu l'audace de plonger dans le répertoire léger de l'opérette. Celle qui a interprété le rôle de My Fair Lady, c'était à l'Opéra de Metz, il y a 2 ans, chante dans son nouvel album du Maurice Yvain, du Franz Léard, des airs de l'opéra de Katsu ou de Fifi, sous l'œil expert du musicologue Christophe Mirambeau. Et bien voici, rien que pour vos oreilles, un bonus inédit que vous ne trouverez pas sur l'album Yes. C'est la version originale de Tea for Two, en duo avec Stanislas de Barberac, la chanson composée par Vincent Humans pour sa comédie musicale Nono Nanette, avec une orchestration, figurez-vous, signée Antoine Lefort, que vous connaissez bien parce qu'il était directeur musical de New, vous savez, la troupe de comédie musicale improvisée que nous avons reçue il y a 2 semaines. Tea for Two, Julie Fuchs, l'Orchestre National de Lille, sous la direction de Samuel Jean. À vos cassettes. Take for all the boys to see. Julie Fuchs, Tea for Two. Ce matin, c'est une comédie musicale de Kurt Weill que nous avons mis sur la grande affiche de la 42e rue, One Touch of Venus, l'œuvre peut-être la plus Broadway du compositeur allemand. Et tout démarre dans un musée d'art moderne. Les visiteurs célèbrent au commencement l'art moderne, le seul art véritable. Class will kindly come to order. Mr. Savory is ready. New art is true art. The old masters slew art. They all learned how to draw, but they painted what they thought they saw. Instead of what they saw, they thought as a liberating artist ought. How are they to be trusted? They must have been maladjusted. Their taste was too formal. Their people looked completely normal. All art is cold art. Best of ancient Greece. They were centuries behind Matisse. What is it that you must forget? The statuary in the Met. The classical museum. Our funny-duddy mausoleums. The art in the Louvre. Went out with Herbert Hoover. Da Vinci was garish. Give me the work of Maxfield Parrish. But fastly, tradition is ghastly. We proclaim artistic bravery. We're disciples of white law slavery. New art is true art. Old art is cold art. New art, true art. Old art, cold art. New art, true art. Old art, cold art. Understand what I've been saying. Un extrait du tout nouvel et tout premier enregistrement intégral de One Touch of Venus, édité chez Jay Records, paru l'an dernier après près de 9 ans d'attente et dont je vais vous faire entendre ce matin notamment de larges extraits. En 1943, Kurt Weill est installé depuis 8 ans aux États-Unis. Le compositeur érudit, fils d'un cantor de synagogue, a étudié la musique jeune. Il a fréquenté le compositeur avant-gardiste Ferruccio Busoni à Berlin. Et bientôt, il se lance dans la musique de scène en Allemagne et la critique sociale avec l'opéra de Katsu, évidemment, en collaboration avec Bertolt Brecht. En fait, l'opéra, devenu insupportable en tant qu'objet de délectation bourgeoise, doit, selon lui, devenir un événement qui conduit, selon lui, le spectateur à l'activisme intellectuel. Et puis en 1933, Kurt Weill fuit l'Allemagne nazie. Il trouve d'abord exode en France, continue d'écrire des ballets, de la musique, de pièces de théâtre. Et puis direction les États-Unis où ses premières œuvres restent dans la veine de cet activisme comme Johnny Johnson, une satire pacifiste. Mais Kurt Weill s'intéresse à la scène et Broadway est pour lui tout trouvé. Et d'ailleurs certains comme Arnold Schoenberg ne le lui pardonneront pas de s'être détourné du caractère sacré de l'art. La comédie musicale, il y touche avec notamment Lady in the Dark, son premier grand succès public à Broadway en 41, sur des paroles de Ira Gershwin, avec un scénario audacieux, parce que c'est presque une psychanalyse en comédie musicale. Et puis donc, One Touch of Venus, qui sera beaucoup plus léger, qui restera 18 mois à l'affiche, avec toujours en filigrane une critique sociale. Écoutez par exemple la femme du directeur de ce musée d'art moderne. Eh bien, elle se moque de cet homme qui ne jure que par une statue de Vénus qu'il vient enfin de récupérer. Elle se moque de la faiblesse des hommes vis-à-vis des femmes. C'est tout le propos de cette chanson intitulée One Touch of Venus, traduction, avec un seul toucher de Vénus, une femme bat les hommes à plate couture. Look, kids, if you've got what Venus had, you're all set. it can help a girl a lot. Why describe a touch of Venus? You either have it or not. If you have a touch of Venus, then we'll all react the same. With a little touch of Venus, one little touch of Venus, a lady can beat the game. With a little touch of Venus, one little touch of Venus, a lady can beat the game. Ta-da, ta-da, ta-da, ta-da. Ta-da, ta-da, ta-da. The world belongs to men and women, but the banks belong to men. The world is just a green persimmon. If you're an average hen, Venus found she was a goddess in a world controlled by gods. So she opened up her bodice, she opened up her bodice and equalized the odds. So she opened up her bodice, she opened up her bodice and equalized the odds. If you have a touch of Venus, men of iron turn to clay. Confidentially between us, they are suckers in the hay. Look what Beatrice did to Dante, what Dubarry did to France. Venus taught them that the panty is mightier than the pants. Some girls have a touch of Venus. Venus. They wear diamonds every night. If she has a touch of Venus, when a girl does wrong, she does it right. I could use a touch of Venus. It comes in handy in a pinch. Mix a little touch of goddess, a little touch of damsel, and life is just a goddess damsel cinch. C'est Victoria Clark qui interprète cette chanson « One Touch of Venus », la chanson-titre de cette comédie musicale signée Kurt Weill en 1943. Alors en fait, c'est inspiré d'un roman britannique qui s'appelait « The Tinted Venus ». Et c'est l'histoire d'une statue de Vénus, la déesse de l'amour, qui est volée par un directeur de musée et qui prend vie brièvement, découvre les humains et exprime son dégoût devant une société victorienne où l'amour est réduit à une sexualité furtive et réprimée. Le sujet plaît à Kurt Weill et il sait même qui va jouer le rôle de Vénus sur scène, Marlène Dietrich. Et c'est pour elle qu'il écrit la chanson la plus célèbre de cette comédie musicale, Speak Low, une chanson dont l'étendue musicale est limitée mais sensuelle à souhait. Marlène Dietrich accepte d'abord le rôle, elle signe un contrat, on lui crée des robes sur mesure, elle fait même un essai de voix sur le plateau d'un théâtre, sur la 46e rue, sous les yeux de son amoureux de Jean Gabin. Mais lorsque le script est révisé, déplacé de la société britannique victorienne à l'Amérique des années 40, avec des dialogues plus sulfureux, la prude ou prudente Marlène Dietrich renonce en expliquant « J'ai une fille de 19 ans et je ne veux pas monter sur scène pour montrer mes jambes ». Alors c'est Marie Martine qui va créer le rôle sur scène et ce spectacle en fera une vedette. Speak low, when you speak low, our summer day withers away. Speak low, when you speak low, our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low, love is a spark lost in the dark, too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is so old and love so brief, love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends. Too soon, too soon, I wait, darling. One Touch of Venus, c'est ce matin sur la grande affiche de la 42e rue sur France Musique. Marie Martin, qu'on vient d'entendre, a un petit bout de carrière à l'époque à Broadway. Surtout, elle vient de rater son passage à Hollywood et elle n'est pas en confiance pour le rôle de la déesse Vénus. Elle se trouve trop petite. Eh bien, ses talons seront extrêmement hauts, 12 cm paraît-il. Et puis surtout, le grand couturier Mainbaker va lui fabriquer 14 robes. Et c'est simple, expliquera Marie Martin, dès que j'entrais sur scène, j'étais applaudi, mais je crois que c'était pour ma nouvelle robe. En tout cas, One Touch of Venus est une histoire abracadabrantesque, coécrite par le poète humoristique Hogan Nash, qui est un novice en matière de comédie musicale, pour les paroles, et Sidney Joseph Perelman, à qui on doit notamment plusieurs scénarios de films des Marx Brothers. Dans cette comédie musicale, Kurt Weill brasse les styles musicaux, il y a des valses, nous l'entendrons tout à l'heure, il y a des ballets, et puis il y a aussi de magnifiques ballades. Écoutez la chanson d'amour du directeur du musée. Il se rappelle, parce que voilà, Vénus l'inspire, il se rappelle de son premier amour, ça s'intitule West Wind, et c'est interprété au piano et chanté par Kurt Weill lui-même. Savory's song, West Wind. I had a love and my love was fair. Fair as a summer storm. I lost my love, I never knew where. Suddenly she was gone. The west wind stirred the meadow. The night she slipped away. And I seem to glimpse her shadow when the west wind brushes the day. West wind, can you waken my true love? West wind, can you whisper a new love? Speak to her softly of the dream we lost, the theme we lost, the gleam we lost. West wind, can you call back an old love? West wind. kindle a cold love. West wind, can the magic of them become ours once again? Breathe on the embers, if by chance he remembers, then someday at last we can recapture the past. Dans la comédie musicale One Touch of Venus, Kurt Weill parle d'un directeur de musée qui a enfin pris possession d'une statue de Vénus. Un barbier vient s'occuper du directeur, mais il met en attendant dans la salle d'attente, enfin dans la salle où se trouve la statue, pour rire sa bague de fiancée au doigt de la statue. Et voilà qu'elle prend vie et va se mettre à le poursuivre avec assiduité. Le pauvre barbier se trouve dans l'embarras, lui qui a déjà une fiancée, et la zizanie dans son couple n'est pas loin, d'où cette chanson plutôt comique à un moment du spectacle. Le barbier qui chante « I'm sick of love », combien l'amour me rend malade. Women, women, I'm sick of them. More than a mackerel hates a hook, or a pickpocket hates a glove, or a sultan hates his amorous mates. That's how I'm sick of love. More than a hound is sick of fleas, or life is sick of pick. A watchman yawns at beautiful dawns. That's how of love I'm sick. I'm sick of love when the world goes right, of love when the world goes wrong. The silver screens and the books and magazines, they drip with love's old sweet song. I swear to you by the earth below and the bachelor saints above, as a secretary chokes at the boss's jokes, that's how I am sick. That's how I am sick. That's how I am sick of love. Bren Barrett, That's How I Am Sick of Love. Dans One Touch of Venus, Kurt Weill s'est aussi parodié les musiques populaires. L'air que nous allons maintenant entendre peut faire penser d'ailleurs à la comédie musicale Oklahoma, créée la même année. C'est un air qui unit la fiancée du barbier qui rentre avec sa mère du New Jersey avant qu'elle ne découvre que sa bague de fiançailles a disparu de la main de son chéri. Well, Mother Kramer, I see you developed a really nice tan. Tan? It's probably jaundice. I never slept a wink and the whole time I was gone. Oh, and the hoi polloi at the hotel was simply a scream, my dear. Well, what can you expect from New Jersey? I always say the minute you cross the Hudson River, you're in the Wild West. You're right, Mother Kramer. Yahoo! Yippee-yay, away out west in Jersey. I declare these are the thoughts I thunk. Yippee-yay, if Jersey looks like this to me, either Jersey or me is drunk. By the time I reached Weehawken, with my banjo on my knee, yippee-yay, I heard the natives talking, and I know that it wasn't me. Oh, New Jersey! Oh, New Jersey, it's a land we proudly hail, all hail. No matter what the weather's, you'll enjoy the tar and feathers when you're riding through New Jersey on the rail. Yippee-yay! time. Oh, New Jersey, oh, New Jersey, it's a land we proudly hail. All hail, you'll enjoy the friendly tussle with the cactus in your bustle when you're riding through New Jersey on a rail. Yippee-yi, across the Jersey border, at the bar politicians are a-playin'. Yippee-yi, whatever drink you order, it turns out to be Hague and Hague. Oh, a buckaroo from Texas ran for marshal of Passaic. So much lead landed in his solar plexus. Now he rattles just like a snake. Oh, New Jersey, oh, New Jersey, it's a land we proudly hail. All hail, you will bellow like an oxen for a shot of antitoxin when you're riding, when you're riding, when you're riding through New Jersey. Way Out West in New Jersey, celle qui chante avec cette voix de crécelle, elle s'appelle Judy Kay. Alors une autre belle page dans One Touch of Venus, la comédie musicale de Kurt Weill, c'est That's Him. Je vous raconte l'intrigue. Ça y est, Venus a réussi à mettre dans son lit le barbier qu'elle poursuit de ses assiduités depuis le début. C'est vraiment la chanson du coup de foudre. Elle est ici interprétée merveilleusement par Dawn Upshaw. Autumn in the air. That's him, that's him. The way you feel when Antoine has finished with your hair. That's him, that's him. You know the way you feel when you smell bread baking. The way you feel when suddenly a tooth stops aching. Wonderful world, wonderful you. That's him, that's him. He is as simple as a swim in summer. Not arty, not actory. He's like a plumber when you need a plumber. He's satisfactory. You know the way you feel when you want to knock on wood. The way you feel when your heart is gone for good. Wonderful world, wonderful you. That's him. You could shuffle him with millions, soldiers and civilians. I'd pick him out. In the darkest caves and hallways, I would know him always, beyond a doubt. Identification comes easily to me. That's him. You know the way you feel about the Rhapsody in Blue. That's him, that's him. The way you feel about a hat created just for you. That's him, that's him. You know the way you feel when the fireflies glimmer, the way you feel when overnight your hips grow slimmer. Wonderful world, wonderful you. That's him, that's him. He's like a book directly from the printer. You look at him, he's so commensable. He's comforting as Wallen's in the winter. world, one day for you, that's he. On reprochera avec cette comédie musicale à Kurt Weill d'avoir perdu sa conscience sociale à Broadway. Mais pourtant, ce spectacle pastiche certaines valeurs américaines. Par exemple, à la fin, le barbier tombe finalement amoureux de cette déesse qui lui court après et il se met à rêver d'une vie à deux. Une sorte de cocon ridicule typique de l'American Way of Life. C'est le thème de cette chanson absurde intitulée Wooden Wedding où il s'imagine vivre avec elle dans une petite maison en bois, dans une banlieue pavillonnaire. Jeepers creepers, if I love you this much now, just think how I'll love you in 5 years. Waiting for our wooden wedding, golly how the time will fly. Stealing kisses in the kitchen, holding hands while the dishes dry. Waiting for our wooden wedding, golly how the sun will shine. We will linger o'er the laundry. I'll wash yours and you'll wash mine. Payday will be a magic casement, opening on something peachy. Maybe a trip to Gimble's basement, or a double feature with Donna Meachie. Waiting for our wooden wedding, golly what a trail we'll leave. Sipping Coca-Cola at the pianola on our wooden wedding eve. Waiting for our wooden wedding, golly how the birds will sing. While we whistle in the garden, planting onions in the spring. Waiting for our wooden wedding, golly how the bees will buzz. Spreading pollen all the flowers, we can do what a beacon does. You shall have on every anniversary a present you can pay for later. Maybe a tenant for the nursery or a self-adjusting incinerator. Waiting for our wooden wedding, golly what a spell we'll can cook a biscuit, maybe I can risk it on a wooden wedding. I keep wondering, darling, if you see me every day, will you want to see me every night? Sure, married people are all the same, aren't they? I've never been able to be like everybody else. Don't worry. Ozone Heights will change all that. Cette chanson est suivie de l'un des trois ballets signés Agnès de Mille. Comme elle l'avait fait dans Oklahoma, la talentueuse chorégraphe propose un ballet onirique qui sera créé par la danseuse Sono Osato qui, l'année suivante, interprétera Miss Turnpile dans la création de On the Town, la comédie musicale de Leonard Bernstein. Alors c'est un ballet où le jeune homme étale donc son projet de vie à deux, mais soudain, à la fin, Vénus est rappelée dans les cieux par les messagers de Dieu et disparaît dans les nuages. Thank you. Et comme dans toute bonne comédie musicale, il y a des chansons de Kurt Weill qui ont été coupées lors de la fabrication du spectacle, surtout des chansons qui avaient été écrites pour la première version du scénario qui se déroulait sous l'Angleterre victorienne. Et par exemple celle-ci, à la fin du deuxième acte, Vénus, déboussolée par tous ces humains, marche seule le long des quais. Ça s'intitule « L'amour dans le brouillard »,« Love in the mist », une chanson qui n'a jamais été orchestrée. Elle est ici interprétée en piano-voix par Melissa Errico. Never heard of love in a mist. No warning word of love in a mist. I don't know why or how I'm lost, but now I'm lost in love in a mist. I felt one glance awaken my heart. Have I by chance mistaken my heart? One moonstruck moment brought me here and caught me here in love in a mist. I was bewitched, I took it all for granted. Under the spell, how could I tell the end? Standing alone, suddenly disenchanted, calling in vain through love in a mist, chill as the rain through love in a mist. My own true love is deaf to me. What's left to me? Love in a mist. Standing alone, suddenly disenchanted, calling in vain through love in a mist. Chill as the rain through love in a mist. My own true love is deaf to me. What's left to me but love in a Le premier enregistrement intégral de One Touch of Venus est paru chez Jay Records. Et sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, vous retrouverez les références des disques diffusés ce matin. L'actualité des comédies musicales à Londres avec notre partenaire Eurostar est la comédie musicale la plus kitsch du moment à découvrir sans faute dans la petite salle du Southwark Playhouse, qui parle aussi d'une déesse qui descend sur Terre. Elle s'appelle Clio. Mais sur Terre, elle prend un accent australien, s'équipe de leg warmer et se fait appeler Kira pour redonner goût à la vie à un beau gosse bodybuildé qui pourtant est au bord du suicide. Sa recette, lui donner l'envie de réaliser son rêve. Créer une discothèque où l'on danserait tous sur patins à roulettes. C'est tout un concept. Xanadu est la première comédie musicale dont l'héroïne est du début à la fin en patins à roulettes. Et à la fin, tout le monde d'ailleurs. La comédie musicale très 80s inspirée du film Xanadu créé par Olivia Newton-John a été inaugurée à Broadway en 2008. Et bien à Londres, c'est toujours aussi kitsch, avec ce qu'il faut de musique pop, de décors flashy, de second degré, avec des muses interprétées pour certaines par des hommes. Voilà, c'est drôle, ça ne se prend pas au sérieux, c'est ridicule et ça fait du bien. Il y a même un numéro de claquette. Lorsque la muse vient séduire le propriétaire du hangar que veut jouer le jeune homme pour le transformer en discothèque. No other face could take you off my mind. You're so refined. and much too kind. I have to warn you, I'm never gonna set you free. 'Cause I was born to love you for eternity. Whenever you're away from me, wherever you go, you're never far away from me. I want you to know, I only have to close my eyes, dear, and suddenly I'm where you are. You better never stray, 'cause I'll never be far away. Hearts aflame, I feel the same. I'd fall apart, dear, if you let the feeling end. Don't break a heart, dear, nobody else but men. Whenever you're away from me, wherever you go, you're never far away from me. I want you to know, I only have to close my eyes, dear, and suddenly I'm where you are. You better never stay, 'cause I'll never be far away. Stray, 'cause I'll never be far away. Whenever you're Away from Me, un extrait de l'original Broadway cast en 2008 de Xanadu que vous pouvez découvrir à Londres si vous passez par là. C'est au Southwark Playhouse jusqu'au 28 novembre avec des prix de place tout à fait raisonnables, je trouve, autour de 20 livres. Plus d'informations, le podcast, le streaming, les références des disques diffusés. Vous le savez, une seule adresse, francemusique.fr, et vous pouvez suivre 42e rue sur Facebook et sur Twitter. Et puis je vous rappelle que notre prochain cabaret, 42e rue, en public, aura lieu dans 12 jours, vendredi 20 novembre. Nous aurons la chance de recevoir la française de Broadway. Elle s'appelle Liliane Montevecchi. Avant ses deux concerts parisiens, elle a chanté Sondheim, elle a chanté Maury Easton, elle a dansé dans les films de Fred Astaire. Et elle sera là pour un concert exclusif. Ça sera, eh bien, vendredi 20 novembre à partir de 19h. L'entrée est libre, mais vous pouvez réserver vos places sur maisondelaradio.fr. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée avec Annie Comier, avec ce matin autour de moi Cécile Gissot, Jean-François Souvilly, Emmanuel Dupuis, et à la réalisation Perrine Minguy.